À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le président du Congo démocratique, Joseph Kabila Kabange, a fait parvenir un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. Le destinataire a réaffirmé sa volonté de s'efforcer pour le développement continu des excellentes relations d'amitié et de coopération de deux pays avec le camarade Kim Jong-un et souhaité sa santé et de plus grands succès dans son travail pour la direction de la République populaire démocratique de Corée.